Elle repique des tiges de riz tout jour pareil. Travail de l'aurore au coucher du soleil. Sur sa tête un chapeau pointu de bambou. Le corps plié, les pieds dans la boue, jusqu'aux genoux. La Cambodgienne de Phnom Penh, la Cambodgienne, la Cambodgienne de Phnom Penh. Elle se fait bercer au rythme des saisons. Pendant des mois de sécheresse et de la mousson, elle dort sur un lit de bambou ancestral. Dans la moiteur, la peau en sueur, sous la chaleur tropicale. La Cambodgienne de Phnom Penh, la Cambodgienne, la Cambodgienne de Phnom Penh. Elle a encore gravé au fond de sa mémoire le souvenir d'un triste moment de son histoire. Mais comment oublier les stigmates d'une guerre qui a tant fait couler le sang dans les rizières. La Cambodgienne de Phnom Penh, la Cambodgienne, la Cambodgienne de Phnom Penh. Son doux regard qui sait si bien nous séduit. On dit qu'elle vit dans le pays du sourire. Dans ce royaume qui ressemble à un décor, comme une image de carte postale, le temple d'Angkor. La Cambodgienne de Phnom Penh, la Cambodgienne, la Cambodgienne de Phnom Penh. La Cambodgienne de Phnom Penh, la Cambodgienne, la Cambodgienne de Phnom Penh, la Cambodgienne, bam bam bam bam, la Cambodgienne de Phnom Penh.